Donc, mes frères et sœurs, nous allons continuer ce matin l'étude du chapitre 16. Et nous allons voir encore une fois à quel point l'être humain est bouché. L'être humain est bouché, spirituellement mort. L'être humain ne conçoit pas les choses comme Dieu, ne voit pas les choses comme Dieu. Et nous allons voir que quand je parle de même, je parle aussi des disciples de Jésus au moment qu'il était sur la terre avec Jésus. Notre Père du ciel, aide-nous à comprendre ce que nous allons lire ce matin. Aide-nous à voir comment Jésus présentait le royaume, comment Jésus annonçait le royaume à ses disciples, comment lui se présentait comme roi et un roi qui connaissait son avenir, qui connaissait son destin de mort, son destin de souffrance, mais aussi son destin de glorification. Aide-nous, Seigneur, à saisir toutes ces vérités. Donne-nous, par ta grâce, l'aide du Saint-Esprit. Amen. Lisons en premier chapitre 16, versets 21 jusqu'à 28. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Donc, après avoir parlé à cette génération-là méchante et adultère, avoir mis en garde ses disciples contre l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, après l'avoir dit « gens de peu de foi, sans intelligence », après avoir dit que lui va établir son royaume, c'est un royaume qui n'est pas comme les gens pensent qu'il va être. Pour que les gens le saisissent, il faut l'aide du Père, pour que le Père révèle aux gens la vérité. Et ce matin, il commence à leur dire que le roi, que le Messie, que le Fils de Dieu que Pierre vient de parler, il dit, il doit mourir. Il s'en va à Jérusalem et il va souffrir dans la part des anciens, des dirigeants, des principaux sacrificateurs, des scribes, des pharisiens. Tous ces gens-là vont se mettre de part, toute cette génération méchante et perverse va le faire souffrir et mourir. Mais il va ressusciter le troisième jour. Donc, il connaît l'avenir, ce roi-là. Il connaît son destin. Il sait pourquoi il est venu. Il connaît, lui, la pensée de Dieu. Alors, il va dire à Pierre, tes pensées ne sont pas de Dieu. Lui, il connaît la pensée de Dieu. Il sait pourquoi il est là. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire et ce qui va arriver. Et Pierre, qui semble pas comprendre. Ou il a compris un bout, puis il a dit, à Dieu ne plaît, ça t'arrivera pas. Et on pense qu'il parle du bout, ce que Jésus dit. Il va mourir, il va souffrir de la part des anciens. Mais il semble pas comprendre qu'il va ressusciter le troisième jour. Il semble pas saisir, ah, il va mourir, mais il va ressusciter. Seigneur, explique-moi ça. Comment tu vas mourir et comment tu vas ressusciter? Mais non, tout ce qu'il veut, c'est empêcher son Messie de mourir. Parce que sans lui, son Messie, si son Messie meurt, tous ses espoirs sont à l'eau. Sa compréhension du royaume messianique, du royaume des cieux, de la vie du Messie est erronée, elle n'est pas complète. Il ne comprend pas bien. C'est pas pour rien que je vous ai dit, hein. Ne le dites pas à personne que je suis le Messie. Parce que vous n'allez pas l'expliquer comme il faut. La preuve est dite, est faite. C'est... Pierre dit, non, non, tu mourras pas. Dieu ne veut pas ça. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, arrière de moi. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu parles comme un homme. Tu agis comme un homme. On sait bien ici que Pierre n'est pas possédé du démon. Hein? Il n'est pas démoniaque, Pierre. Est-ce que Satan a tenté Pierre, a poussé Pierre à reprendre Jésus? Et c'est fort, hein? Il a dit quelques versets plus haut. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Quelle belle déclaration! Quelques temps après, Seigneur, tu te plantes, là. Tu te plantes, Seigneur. Tu comprends pas, là. Hein? Laisse-moi t'expliquer ce que le Messie doit faire. Le Messie doit pas mourir, là. Le Messie doit établir un royaume, là. Le Messie, le royaume n'est pas encore établi, là. Seigneur, il faut que tu agisses en faveur d'Israël, là. Et Jésus dit, tu ne comprends pas, Pierre. Tu ne comprends pas, Pierre. Tes pensées sont humaines. Tu vois le royaume des cieux comme un humain. Tu vois le royaume des cieux comme il t'a été présenté par les scribes et les pharisiens et les sadducéens. Tu le vois comme les êtres humains aimeraient qu'il se présente. Healthy and wealthy, riche et pauvre et ayant santé. Tu voudrais que le royaume des cieux t'amène des choses pour toi. Tu vois que le royaume des cieux, c'est pour toi. C'est pour ton bien-être. Jésus lui dit, non, Pierre. Non, Pierre. Ça vient pas de Dieu, ce que tu dis là. Que je suis le Christ, le Fils de Dieu, ça venait de Dieu. Mais ce que tu dis là, ça vient pas de Dieu. Et là, il dit à Pierre, puis à ses disciples, au verset 24, si tu veux me suivre et faire partie du royaume des cieux, si tu veux entrer dans mon royaume et en faire partie, tu dois renoncer à toutes ces folies-là, toutes ces pensées d'homme-là que tu as. Faut que tu rejettes ces idées-là que tu as. Ta fausse conception du royaume des cieux. Il faut que tu la rejettes. Il faut que tu la mettes de côté. Il faut que tu renonces à tes pensées, à tes rêves, à tes ambitions. Il faut que tu renonces à cette pensée que le royaume des cieux va te rapporter à toi et que quand le royaume des cieux va venir, on va aller voir un peu plus bas. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas lâché l'idée. Ils n'ont pas lâché le bâton. Ils veulent encore être dans un royaume terrestre qui va apporter de la gloire et de la prospérité à leur petite personne. Tu dois, il dit, renoncer à ta propre vie. Puis là, il dit au verset 26, si Pierre, je te donnerais tout ça, tout ce que tu penses que le royaume des cieux pourrait t'apporter, même si je te le donnerais tout, et que tu perdes ton âme, à quoi ça va servir? Hein? Parce que si je t'écoute, Pierre, et que je ne vais pas mourir, et que j'établis un royaume et que je te donne tout ce que tu voudras. Je remplis tes coffres pleins. Je te fais vivre 150 ans en pleine santé. Tu vas être vraiment en santé et riche. Et ça va bien aller avec ta famille, puis ta femme, puis tes enfants. Je vais tout te donner ce que tu veux, Pierre. Je vais te donner tout le gros rêve américain. Mais si tu perds ton âme, à quoi ça va te servir? Puis là, il dit au verset 27 à 28, parce que dis-je, un jour, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Il va venir. Il va venir. Et il va juger les hommes. Et ceux qui vont avoir resté avec leur pensée d'homme. Ceux qui vont avoir rejeté le royaume que moi j'ai établi. Ceux qui vont rejeter le Messie, le roi, et qui vont rejeter le sort de royaume que le Messie veut établir. Parce que Pierre était prêt à accepter le Messie, Jésus, et le Fils du Dieu vivant. Il était prêt à accepter, mais il ne voulait pas accepter le genre de royaume que ce Messie-là était en train de vouloir accomplir. Il l'a accepté plus tard. Quand l'évangile de Matthieu est écrit, Pierre, il croyait, Pierre, il avait vécu l'évangile, il avait vécu la Pentecôte, et il avait reçu l'Esprit, lui tout prêchait l'évangile maintenant. Lui tout, ils avaient les clés, là. Quand il a lu ça de la part de Matthieu, je me suis demandé cette semaine, comment est-ce qu'il a pensé ça? Il va dire que j'étais con dans le temps. Oh, que je comprenais rien. Oh, que je comprenais rien de ce que Jésus m'avait dit. Il m'en manquait un paquet de données. Une chance qu'il nous a dit de se la fermer avant qu'on comprenne bien ce qui se passait. Il dit, le Fils de l'homme va venir. Puis il va juger les hommes selon leurs œuvres. Les œuvres, ici, il parle pas que c'est la balance des bonnes œuvres, des méchantes œuvres. Il parle des œuvres en ce qui le concerne, lui et son royaume. Les œuvres qui démontrent que tu as rejeté lui comme le roi et le Messie, ou son royaume que lui est en train d'établir. Il dit, chacun sera jugé selon la décision que prit. Est-ce qu'il a, tu as renoncé à toi-même? Est-ce que tu t'es chargé de ta croix? Est-ce que tu as suivi le maître? Est-ce que tu as perdu ta propre vie, que tu lui as renoncé pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ et accepter le royaume qu'il met en place. Quand le Fils de l'homme va venir avec ses saints anges, il va te prendre et il va t'emmener dans le royaume des cieux, les nouveaux cieux, nouvelle terre. Mais si tu n'as pas changé tes idées, que tu n'as pas accepté Jésus comme étant le Messie, le Fils du Dieu vivant, que tu n'as pas accepté le royaume qu'il a établi, tu vas être condamné et jeté en enfer pour l'éternité. Verset 28, il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il y a encore beaucoup de discussions là. On va joindre ce verset-là demain à l'autre passage où on va parler de la transfiguration. Il y a des chrétiens qui disent que ce verset-là, le verset 28, ne s'attache pas à 17.1. D'autres disent oui. Nous allons voir demain. Mais au verset 28, il dit, quelques-uns qui sont ici, est-ce que ça veut dire ça, c'est les disciples? Quelques-uns parmi disciples larges, la foule qui était là? Ou il parlait-tu juste quelques-uns parmi les disciples? Ne mourront point. Donc, il y en a au moins quelques-uns qui sont là, qui vont pas mourir et qui vont voir le Fils de l'homme venir dans son règne. Si on parle de la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, on a de la misère à expliquer ça parce que tous ceux qui étaient là, ils sont morts physiquement. Est-ce qu'il parle, s'il parle que de la mort spirituelle, bon, mais je vous avais dit que quelques-uns qui sont ici, qui ne mourront pas spirituellement, mais qui vont voir le royaume des cieux se mettre en place. Ok, c'est une vérité que la Bible enseigne ailleurs. Mais je crois qu'il parle plutôt de la mort physique ici. Donc, il dit, il y en a quelques-uns ici qui ne mourront point, qui vont voir Jésus venir dans son règne. Donc, il y en a qui vont voir Jésus dans son règne, qui vont le voir comme s'il était dans son règne. Là, je vous donne un peu un indice de ce que je pense des autres versets qui vont venir après. Je suis un de ceux qui croient qu'ils vont voir Jésus, qui vont voir Jésus se manifester comme dans son règne. On va expliquer plus demain. Donc, pour nous aujourd'hui, nous comprenons que il nous faut accepter le royaume des cieux comme il est présenté. Aujourd'hui, le royaume dans lequel nous sommes, nous, ces enfants de Dieu, nous sommes dans un royaume que certaines personnes n'acceptent pas. Nous sommes dans un royaume à cause qu'on a vu dans toutes ces paraboles-là il y a quelques semaines, nous sommes dans un royaume qui ne paraît pas beaucoup, un royaume qui ne bouleverse pas le monde dans lequel nous sommes. Le monde continue sur le chemin de la perdition. Nous ne changerons jamais cela. La petite minorité qui va se convertir va se convertir. Les autres, la grande majorité, vont aller à la perdition. Et le monde va aller de pire en pire et non pas de mieux en mieux. On ne va pas, nous, réussir à changer le monde. On ne va pas faire de ce monde un monde meilleur. Il y a des gens qui vont être sauvés dans ce monde, mais on ne va pas faire de ce monde un monde meilleur. On l'accepte. On accepte ce royaume où est-ce que plusieurs d'entre nous vont souffrir, vont être rejetés, qui vont être martyrisés, qui vont mourir comme le maître. Certains vont perdre leur vie, vont perdre qu'on peut désirer dans ce monde. D'autres vont avoir des grandes richesses. D'autres vont avoir la maladie, d'autres vont être très, très en santé. Donc, dans ce royaume-là, ce n'est pas ça. Mais dans le royaume que Jésus a établi, tout le monde connaît la vérité. Tout le monde est entré dans le royaume des cieux. Tout le monde accepte qu'on est là pour Dieu. Le royaume des cieux, c'est pour Dieu. C'est pour sa gloire. C'est pour son règne. C'est pour sa louange. Et tous ceux qui sont dans le royaume ont renoncé à eux-mêmes, se sont chargés de leur croix, c'est-à-dire qu'ils sont morts, et suivent le Maître dans ce qu'il a demandé. Notre Père du ciel, béni sois-tu, béni sois-tu, que tu nous as démontré quelle sorte de royaume tu as établi. Donc, Seigneur, on n'est pas déçus. Un chrétien averti en vaut deux. Nous connaissons et nous acceptons et nous nous soumettons à ce genre de royaume-là. Que ce royaume-là est pour toi et pour ta gloire seule. Amen.